qui joue du banjo. C'est pas possible comme il joue faux. Mais il est complètement fou. C'est le Bousquidou, Kidou Kidoua. Bousquidou, Kidou, Kidou, Kidou, Kidoua. Bousquidou, Kidou, Kidou, Kidou, Kidoua. Bousquidou, Kidou, Kidou, Kidou, Kidoua. Bousquidou, Kidou, Kidou, Kidou, Kidoua. Y'en a un qui joue de la guitare. Et il arrive toujours en retard. Mais il est complètement fou. C'est le Bousquidou, Kidou Kidoua. Bousquidou, Kidou, Kidou, Kidou, Kidoua. Le troisième fait des percussions. Il se croit vraiment très bon. Mais il est complètement fou. C'est le Bousquidou, Kidou Kidoua. Bousquidou, Kidou, Kidou, Kidou, Kidoua. Bousquidou, Kidou, Kidou, Kidou, Kidoua. Bousquidou, Kidou, Kidou, Kidou, Kidoua. Bousquidou, Kidou, Kidou, Kidou, Kidoua. Bousquidou, Kidou, Kidou, Kidou, Kidoua. Bousquidou, Kidou, Kidou, Kidou.